Amis humains, bonjour, septième et dernier volet de « Nous assistons à l'écroulement d'un monde ». Des forces immenses sont sur le point d'être déchaînées. Entretien avec Frédéric Lordon. Frédéric Lordon est économiste. Il est directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de sociologie européenne, CSE. Comédie sérieuse sur la crise financière. En quatre actes, et en alexandrin, Seuil, 2011, Capitalisme, désir et servitude, Marx et Spinoza, La fabrique, 2010, et l'intérêt souverain, essai d'anthropologie économique, La découverte, 2011. Il a accordé un long entretien à la revue des livres fin décembre 2011. Il nous livre ses commentaires et analyses de la crise économique actuelle et de ses origines. Avec un ton incisif et un regard acerbe, il revient sur les causes et effets de la crise elle-même, mais commente également le traitement de l'économie par les médias, la place de l'économie au sein de l'institution universitaire, et l'éventuelle sortie de l'euro. Sonnant le glas du projet néolibéral, l'actualité est, nous dit-il, une occasion unique de changement profond, un monde s'écroule sous nos yeux. Qu'est-ce qui permettrait d'enrayer cette fabrique de l'impuissance ? Comment reconstituer une capacité d'agir collective, transformatrice et émancipatrice, dans la situation actuelle ? Strictement dépourvue de toute expérience et de tout talent d'entrepreneur politique, je n'ai pas la moindre idée des voies par lesquelles se reconstituent des capacités d'agir collective. À défaut de quoi, je n'ai guère d'autre solution que de faire retour à ma position scolastique et à son point de vue extérieur. Les multitudes se mettent en mouvement quand elles passent certains seuils affectifs. Mais ces seuils sont-ils les mêmes pour tout le monde ? Non. Et où se trouvent-ils exactement ? On ne le sait pas exempte. Les conditions matérielles, telles qu'elles déterminent l'impact différentiel de la crise au travers de la stratification sociale, l'inégale distribution des dispositions à l'acceptation ou à la mobilisation, sont autant de données qui hétérogénéisent la multitude, catégorie dont l'homogénéité trompeuse est un pur effet de nominalisme. Pourquoi le mouvement des indignés a-t-il si bien prise en Espagne, aux États-Unis même, et si peu en France où nous sommes pourtant portés à nous gargariser de notre tradition manifestante et revendicative ? Dans le cas de l'Espagne, on se demande si la réponse ne tient pas entièrement dans un chiffre. 40% de taux de chômage des jeunes, c'est-à-dire en particulier une production massive de diplômés qui voient leurs naturelles espérances professionnelles brutalement niées par l'exclusion de l'emploi dont ils sont les victimes. Ce sont les enfants de la bourgeoisie, bien dotés en capital culturel et scolaire, mais se découvrant frustrés de ce qu'ils tenaient pour de légitimes aspirations, n'avaient-elles pas jusqu'ici été validées par le système qui se retourne et bascule ? Du côté des étudiants états-uniens, c'est peut-être le poids de la dette, au moment où les rapports avec les institutions financières sont profondément détériorés, qui joue un rôle équivalent et fait passer les seuils de haine intolérables. Mais peu importe, dira-t-on, d'où part le mouvement et pour quelles raisons particulières, après tout, il n'est pas d'action désintéressée, au moins en un sens du concept d'intérêt un peu intéressant. Ce qui compte, indépendamment de ses origines, pudenda origo, pourrait-on dire à la manière de Nietzsche, les origines sont rarement belles à voir, c'est ce que ça produit, est-ce que ça a du levier, est-ce que ça entraîne à sa suite ? Voilà les questions pertinentes. À cette aune, le jugement demeure contrasté. Les indignés espagnols ont visiblement mis du monde dans la rue, mais avec quelles suites électorales ? Pour le coup, on devrait vraiment relire l'élection, piège à con de Sartre qui semble avoir été écrit la semaine dernière et tout exprès pour la situation présente. Il y déplorait le gouffre qui sépare les mouvements sociaux comme dynamique créatrice profondément collective et l'artificialité sérielle du scrutin électoral qui isole, dans les bien nommés isoloirs, et dissout radicalement toute la force propre, authentiquement politique, du en commun. Alors voilà, les indignés espagnols descendent dans la rue, et ils se retrouvent avec le Parti Populaire de Rajoy. C'est à pleurer. Avec ou sans indignés en France, ce sera le même tarif. En l'occurrence, d'ailleurs, c'est plutôt sans. Et là aussi, il y a un mystère. La différence tient en partie, une fois encore, au taux de chômage des jeunes, considérablement moins haut, tout comme le taux de chômage global, qu'en Espagne. À 10% de taux de chômage global, les enfants de la bourgeoisie française ne souffrent pas encore, leurs positions sont suffisamment robustes, leurs accès suffisamment maintenus pour que la crise ne les malmène pas trop. Je me souviens de la brève mais violente récession de 1993. Le taux de chômage était monté à plus de 12% et l'on avait, chose inouïe, entendu des représentants notoires du capital commencer à s'inquiéter des ravages dont souffrait la société française. Ma conjecture à l'époque était que dans l'entourage de Claude Bébéard, puisque c'est de lui qu'il s'agissait, un fils de famille bien diplômé avait dû rester sur le carreau et que ça avait été comme un traumatisme de découvrir ainsi l'injustice du monde. Mais 12%, ce n'est pas si loin, cela pourrait même venir très vite compte tenu de ce qui s'annonce. C'était une rude leçon de réalisme politique que Bourdieu, ici très spinoziste, avait donné en rappelant que dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, les bourgeois s'étaient décidés à financer des infrastructures de tout à l'égout lorsque le choléra, tout à fait oublieux des barrières de classe, avait commencé à emporter leurs enfants. Il en va donc probablement des eaux du chômage comme de celles chargées de miasmes. Il faut que le niveau ait suffisamment monté pour venir importuner les dominants et les décider à remettre en cause leur propre système, dès lors que celui-ci devient trop directement attentatoire à leurs propres intérêts. Et puis, pour leur malheur, les indignés français ont contre eux deux autres idiosyncrasies bien de chez nous. La première, visible par contraste avec le cas états-unien, tient à l'antipathie spontanée des confédérations syndicales pour toute forme de mouvement doté des deux haïssables propriétés d'être spontanées et de leur échapper en grande partie. A l'inverse, les occupants ont reçu le soutien discret mais réel, logistique et politique, de syndicats états-uniens peu habitués au mouvement d'ampleur et plutôt contents de trouver ici une opportunité au moins de participer à une démonstration d'échelle, quasi, nationale. On peut compter sur les confédérations françaises pour ne pas apporter le moindre soutien aux indignés de la défense. Le ferait-elle d'ailleurs que ces derniers s'en méfieraient comme de la peste, pressentant, non sans raison, la récupération de bas étages. La seconde tare française bien sûr, c'est l'élection présidentielle et son inoxydable mythologie qui continue de faire croire à beaucoup quel est le moment politique par excellence, que c'est là que les choses se décident vraiment et, justement, ça tombe bien, c'est dans 8 mois seulement, donc rendez-vous en mai. On daube actuellement sur l'hybride Mercosy, mais on rira peut-être moins au moment de découvrir le Cercle-Land. Dans ce paysage où tout est verrouillé, où la capture élitaire a annihilé toute force de rappel, je finis par me dire qu'il n'y a plus que deux solutions de remise en mouvement, une détérioration continue de la situation sociale, qui conduirait au franchissement des seuils pour une partie majoritaire du corps social, c'est-à-dire à une fusion des colères sectorielles et à un mouvement collectif incontrôlable, potentiellement insurrectionnel, ou bien un effondrement critique du système sous le fardeau de ses propres contradictions, évidemment à partir de la question des dettes publiques, et d'un enchaînement menant d'une série de défauts souverains à un collapsus bancaire. Mais, cette fois autre chose que la bluette Léman, disons clairement que la deuxième hypothèse est infiniment plus probable que la première, quoiqu'elle aurait peut-être, en retour, la propriété de la déclencher dans la foulée. Dans tous les cas, il faudra sacrément attacher sa ceinture. Et surtout continuer de réfléchir aux formes politiques d'un mouvement social capable de lui éviter toutes les dérives fascistoïdes, à constater le degré de verrouillage d'institutions politiques devenues absolument autistes et interdisant maintenant tout processus de transformation sociale à froid. Je me dis aussi parfois que la question ultra tabou de la violence en politique va peut-être bien devoir de nouveau être pensée, fût-ce pour rappeler aux gouvernants cette évidence connue de tous les stratèges militaires qu'un ennemi n'est jamais si prêt à tout que lorsqu'il a été réduit dans une impasse privée de toute issue. Or il apparaît d'une part que les gouvernements, entièrement asservis à la notation financière et dévoués à la satisfaction des investisseurs, sont en train de devenir tendanciellement les ennemis de leur peuple, et d'autre part que si, à force d'avoir méthodiquement fermé toutes les solutions de délibération démocratique, il ne reste plus que la solution insurrectionnelle, il ne faudra pas s'étonner que la population, un jour portée au-delà de ses points d'exaspération, décide de l'emprunter, précisément parce que ce sera la seule. Frédéric Lordon, décembre 2011. Source, www.les-crises.fr. Fin de cette 7e partie. À bientôt. Bise numérique.